Soyons brefs et efficaces, nous vous faisons gagner ce matin des exemplaires des Pourquoi de l'Histoire, volume 3, signé Stéphane Bern, c'est chez Albin Michel, et la question qui vous était posée était, combien de villages français ont été sélectionnés pour cette cinquième édition du village préféré des Français, Isabelle? Eh bien, 13 villages. Vous avez répondu, vous avez gagné ce livre au 32-10. Merci beaucoup, on retrouve maintenant le présentateur britannique Julian Corbett. Oh, comment allez-vous? Yes, fine. Est-ce qu'il y a des amateurs de foot dans votre équipe? Non, pas trop. Si, non. Oui, un peu. Si, quand non, même, honnêtement, moi... en plus, parce que j'ai un plan, je connais quelqu'un là qui a acheté des places pour la finale de l'Euro 2016, et le pauvre, il s'est rendu compte que ça coïncidait avec le jour de son mariage. Ah, tiens. Non, mais c'est vrai en plus. Oui. Alors, si quelqu'un veut y aller à sa place, alors la cérémonie aura lieu à la synagogue du 19e, et la jeune femme s'appelle Sarah, tout est payé, il y a juste à y aller se marier. Je l'ai pas vu arriver. Bon, j'en veux bien, moi, de Sarah. Elle tourne sur Internet, celle-là, je crois que c'est la meilleure de l'année. Elle est exceptionnelle. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, bah, je nettoie ma kippa. Allez, bonne journée. Ciao. Oh ben ça marche avec l'église, la synagogue, le temple, avec tout. Hein. J'ai bien compris. Moi, j'ai mis la synagogue parce que c'est Bernard Sabat qui me l'a raconté, c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. On y va. Vous allez voir, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, il y a du très très lourd. Mais alors, des histoires hallucinantes. La première, c'est celle de Christelle. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors Christelle, voilà ce que vous nous avez raconté. Écoutez bien, parce qu'on parle de voitures, de camping-car neuf. Je paie un camping-car 56 400 euros. Dès le premier jour, il tombe en panne. Le problème se situe au niveau du moteur. Quelques jours après, on me change le moteur pour la première fois. Maintenant, ça fait 2 mois que le camping-car est au garage. Maintenant, ils me disent qu'il faut changer le moteur pour la seconde fois. 56 400 euros. 27 septembre 2015, achat du camping-car, il faut changer pour la deuxième fois le moteur. Eh bien, c'est un nouveau record et nous allons en parler avec l'équipe qui nous accompagne. Il est là, le druide, le lord du PV du radar, premier avocat automobile en France, Maître Decomont est avec nous. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Enfin, il n'est pas encore complètement avec nous, mais il ne va plus tarder à l'être. Maître Fellono est là. Bonjour à tous. Et Bernard Sabat. Bonjour à tous. Merci à toutes les équipes qui préparent ces dossiers. Christelle, vous savez quoi, on ne va pas perdre de temps. Est-ce qu'elle est là, ma Christelle? Oui. Bonjour Christelle, c'est une histoire hallucinante. Alors nous, évidemment, on en sourit, c'est un petit peu le but de l'émission. Mais le but de l'émission, c'est surtout de régler les problèmes. J'appelle d'ailleurs tous ceux qui ont le même problème que vous, avec une voiture achetée neuve et qui ne marche pas, à nous appeler au 3210 s'ils veulent de l'aide. Mais je suppose qu'on a envie de tout casser quand on investit 56 400 euros dans du neuf et qu'on vous dit après, à peine un an, il faut changer une deuxième fois le moteur. Comment vous réagissez, Christelle? Je suis calme depuis aujourd'hui. Là, j'ai pas perdu mon sang-froid. Je suis toujours restée calme, mais là, bon, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent exactement là aujourd'hui? Écoutez, madame, on sait pas ce qui se passe. Faut changer les moteurs. On va encore en changer un troisième, un quatrième. Actuellement, ils me disent que ils savent plus quoi faire. Oui, mais ils parlent pas de remboursement à un moment donné? Ah, pas du tout. Mais vous leur avez proposé? Je leur ai proposé un échange de camping-car. Et puis voilà quoi. Moi, je voulais simplement qu'on me change le camping-car. Mais bon, ils ne veulent pas. Non, ils ne le veulent pas. Bon, ok. Alors c'est l'objectif du jour. Vous l'avez compris, que le concessionnaire échange le camping-car ou alors on annule la vente. Alors on va attaquer tout de suite l'appel et nous aurons les conseils et les analyses pendant la conversation avec celui que l'on appelle. Ça sonne déjà. Caravaning Central. Pour joindre le service commercial camping-car, composez le 1. Bien joué, Sarah. Nous composons le 1. Nous allons donc avoir le service commercial camping-car. On veut acheter. Laïla Caravaning Central, bonjour. Bonjour, Laïla Caravaning, bonjour. C'est Julien Courbet à l'appareil. Madame, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL, dans l'émission 9h30-11h. Et je suis avec une de vos clientes, Christelle Moril, qui a acheté, figurez-vous, en septembre 2015, un camping-car, 56 000 euros. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à savoir ce qu'est le camping-car. Vous lui proposez de lui changer le moteur pour la deuxième fois, pour du neuf. Alors, elle en peut plus et elle demande maintenant l'échange ou que ça avance. Je peux vous donner un numéro de bon de commande. Vous êtes là, madame? Oui. Voilà, vous avez mis le haut-parleur et vous avez raison. Hein, ça ne me dérange absolument pas, mais moi, je vous entends moins bien, du coup. Est-ce que je peux avoir quelqu'un, s'il vous plaît? Chez Caravaning Central à Cholet. Peut-être monsieur Loïc Renault? Je ne sais pas qui est le monsieur derrière vous. Je veux bien lui parler, s'il veut bien me parler. Pas moi. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur Julien Courbet à l'appareil. Oui, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que vous avez entendu au haut-parleur ce que je disais il y a quelques instants? Alors non, pas du tout. Ah, alors, est-ce que vous connaissez Christelle Morille? Oui, bien sûr. Voilà, alors Christelle Morille nous a dit, je voulais en être sûr, qu'elle a acheté un camping-car neuf chez vous en 2015, 56 400 euros, et qu'on lui propose un deuxième changement de moteur après seulement un an. Oui, tout à fait. Et monsieur, elle en a un petit peu marre. Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous dit, je crois, que voulez-vous exactement, Christelle, un changement de camping-car ou un remboursement? On ne va pas lui changer. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce camping-car, monsieur? Alors nous, on est distributeur d'une marque qui s'appelle Bavaria, voilà. Et en fait, il y a un moteur dessus, effectivement, et malencontreux. Voilà, le problème, il est que, ce qui est très rare, hein, c'est que ce moteur... Non mais monsieur, ça peut arriver. Sachez-le, on a 15 ans d'expérience d'émission de radio et on l'a vu pour toutes les marques. Je peux vous dire que toutes les marques, à un moment donné, voilà, il y a un problème sur la chaîne de montage, mais on peut pas dire à quelqu'un qui vous a fait confiance et qui a lâché 56 000 euros, ben madame, on va vous l'immobiliser une fois pour changer le moteur. On va vous l'immobiliser deux fois pour changer le moteur. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Maître de Comeau, avocat. Oui, bonjour monsieur. Effectivement, vous n'êtes pas, bien entendu, personnellement responsable. On peut pas vous dire que vous avez fait une faute ou quoi que ce soit. En plus, c'est le moteur. Le moteur, c'est pas vous qui le fabriquez, on est bien d'accord. C'est un moteur d'une grande marque italienne qui équipe ce genre de véhicule. Le problème, c'est qu'effectivement, lorsqu'on vend un produit neuf, on est responsable de son bon fonctionnement et son bon fonctionnement immédiat. Vous vous rendez compte, la personne qui achète un véhicule pour 56 000 euros et qui dans la journée se retrouve en panne et depuis on est incapable de lui faire marcher le véhicule. À partir de là, elle a un droit et vous un devoir, c'est de remplacer le véhicule purement et simplement ou de rembourser, d'annuler la vente si effectivement la personne n'a plus confiance et ne veut plus racheter de véhicule chez vous. Voilà monsieur, pourquoi lui refuse-t-on l'échange ou le remboursement? Ou alors, non, il n'y a pas de refus de prendre remboursement. Ah ben Christelle, qu'est-ce que vous avez demandé exactement, Christelle? Moi, j'ai demandé un échange de camping-car. Voilà. Et après, à Bavaria, je leur ai répondu que comme quoi que s'ils trouvaient pas la panne, qu'on annulait la vente. Moi, c'est marqué sur le courrier de Bavaria qu'on annulait la vente. Si toutefois, ils ne trouvaient pas la panne. Moi, j'ai envoyé un courrier à Caravanine Centrale pour dire que, comme quoi, qu'ils me changeaient le camping-car. Bon. Vous, monsieur, avec votre direction, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, oui, si vous voulez, en fait, il y a une procédure qui a été lancée par la grande marque italienne. Oui. Et en fait, nous, on est dans le respect de la procédure qui a été lancée par rapport à cette procédure. Oui, je comprends. En fait, oui. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a un moment donné où effectivement, Je suis d'accord que vous ayez des procédures, mais monsieur, je fais toujours cette comparaison qui est un petit peu poujadiste, je vous l'avoue, mais qui quand même permet de bien comprendre les problèmes. Si demain, un client vient et vous fait un chèque qui ne passe pas parce qu'il est un peu en bois et qu'il vous dit « Attendez, on va le refaire, on va faire un changement de chèque une première fois, une deuxième fois », je suis pas sûr qu'il ait son camping-car. Ça serait bien que le client, quand il achète du neuf et qu'il a 56 000 euros, puisse à un moment donné, au bout d'un an, avoir une solution. Deux mois qu'elle n'a plus son camping-car, vous imaginez? C'est quand même un préjudice. On va se retrouver dans une seconde. Bernard, qui avez-vous en ligne de votre côté? Écoutez, je suis en contact avec le siège social du groupe. On m'a dit qu'on allait passer à un responsable, donc j'attends pendant quelques secondes. Et nous appellerons la marque aussi, mais voyons avec ce monsieur. Déjà, Sarah reprend l'appel le temps de la pause si nous pouvons avancer dans cette opération avec Caravaning Central à Cholet. Mais ce monsieur nous dit qu'il passe par Sud-Loire Caravane 49 Sud, qui eux-mêmes passent par Pilote, groupe qui fabrique la marque Bavaria, qui elle-même est affiliée au Vatican, puisque c'est là-bas que sont, en Italie, fabriqués, je vous le rappelle, tous les camping-cars. C'est de là que vient la fameuse Papa Mobile. On ne le sait pas, mais elle est équipée d'une douche, d'un WC, d'une petite banquette. Et mesdames et messieurs, vous avez fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France et d'RTL, en dehors des infos. Alors je vous remercie, et je ne vous remercie pas n'importe comment. Une TV extraordinaire pour l'euro, un écran de 165 cm de diagonale. Il est énorme. Ça, c'est une phrase qu'on entend rarement, nous, Maître de Comeau. Ah, ça dépend desquels. Technologie 4K. Ça dépend desquels. Définition 4 fois supérieure au Full HD pour gagner cet écran incroyable. Vous faites le 3210 touche numéro... Je ne me rappelle plus. C'est 2 pour arriver au standard jeu, hein. Oui, touche numéro 2, 3210, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu. Et ensuite, alors il y a une question, comment s'appelle la mascotte de l'UEFA? C'est Julien, vous tapez 1, ou Super Victor, vous tapez 2, c'est évidemment 2. Donc 3210, touche numéro 2, puis vous tapez 2. Ou SMS envoyé RTL au 74 900, TV Samsung avec écran incurvé, cadeau d'une valeur de 2000 euros. Salut les Français! Vous rêvez de grands espaces, de paysages à couper le souffle? Direction le Canada! Que vous habitiez Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon ou Mulhouse, profitez des vols directs proposés par Air Transat à partir de 399€ TTC aller-retour. À vous les baleines, les villes festives, la douceur de vivre 100% canadienne. Offre soumise à conditions, réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver? Pourquoi? Oui, pourquoi vous ne faites pas comme j'aime alors que vous voulez perdre vos kilos en trop? Tout le monde sait qu'avec comme j'aime, on perd 5, 10, 15, 20 kilos, voire plus. Vous avez sans doute de bonnes raisons, mais n'est-ce pas plutôt de bonnes excuses? Alors perdez vos kilos avec comme j'aime. Les repas sont tout prêts, livrés chez vous, c'est simple à suivre. En ce moment, profitez d'un mois gratuit. Oui, un mois gratuit. Téléphonez au 0800 507 507 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça, hier Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Lucas Plat, tu me regonfles. Quelle affaire. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genou. Vite, le roller pur essentiel articulation et muscles est le geste antidouleur qui agit par massage express grâce à sa bille massante. Son efficacité apaisante naturelle, rapide et durable est garantie. Ah. Pur essentiel roller articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. L'histoire incroyable de Christelle qui achète pour 56 400€ un camping-car. Et j'ai dit une bêtise, mais une bêtise qui aggrave encore plus le cas. Je vous ai dit que ce camping-car avait un an et qu'on lui disait au bout d'un an et après 56 000€, il faut changer une deuxième fois le moteur. C'est pire. Non, Julien, le véhicule a été commandé en septembre. Il y a eu 4 ou 5 mois de délai de livraison, 6 mois, ce qui est tout à fait légitime. Et le véhicule, il est là que depuis avril. Bernard, que se passe-t-il? J'ai Monsieur Guinut, le responsable, le grand patron du siège social de Sud-Loire Caravane. Il vient de prendre les éléments. Vous pouvez lui parler, Julien. Bonjour, Monsieur Guinit. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL en direct. Julien Courbet à l'appareil. Donc, Monsieur Guinit. Merci, bonjour. Merci à vous. Monsieur Guinit, pardon de vous déranger. Vraiment, vous êtes des pros, mais là, je crois que pour Christelle, il faut qu'on avance dans ce dossier, puisque acheter un camping-car 56 000€ et après seulement 2 mois, monsieur, 2 mois. Qu'elle là, on lui dit maintenant, il faut changer une deuxième fois le moteur. Je pense qu'il y a quand même un truc sur ce camping-car qui fait que ça ne marchera pas. Et elle dit aujourd'hui, il faut me le changer. Et vous la comprenez, j'espère, qu'on ne va pas lui dire, on ne va pas attendre qu'il lui changer une troisième fois le moteur alors qu'il n'a que 2 mois. Alors, c'est pas une troisième fois, c'est une deuxième fois le moteur. Ah oui, mais enfin, mais monsieur, est-ce que vous accepteriez d'acheter une voiture neuve et qu'au bout de 2 mois, on en soit au deuxième changement de moteur? Vous imaginez, pour ceux qui nous écoutent, mais si on achète du neuf pour justement avoir la paix, pour être tranquille pendant des années, j'ose espérer que vous ne dites pas à tous ceux qui nous écoutent ce matin, ne vous inquiétez pas, venez acheter du neuf chez moi. Si le moteur tombe en panne, bah, ce qui peut arriver au bout de 2 mois, on vous le changera une fois. Il peut retomber en panne, mais on vous le changera une deuxième fois. Enfin, moi j'achète du neuf pour avoir la paix. Le problème est plus complexe, c'est-à-dire que nous, on n'est pas contre Mme Morey, on est avec Mme Morey. Hein. Oui, vous êtes avec, mais ça fait... dans le même sens que Mme Morey. Nous, le problème, c'est qu'on est soumis ensuite au constructeur du camping-car et puis au constructeur Fiat. Oui. Donc on ne peut pas faire ce que l'on veut. Oui, non, ça, monsieur, permettez-moi de vous couper la parole, monsieur. J'entends, je vais vous laisser parler autant que vous voulez, mais là, sur cet argument-là, je suis obligé de donner la parole avec Maître de Caumont parce que c'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement pas entendre. Oui, bonjour, monsieur. Je veux je veux juste rappeler une chose, je vous comprends très bien, c'est pas vous qui avez construit la plateforme, c'est pas vous qui avez construit le moteur, c'est pas vous qui avez construit le camping-car, mais c'est vous qui l'avez vendu. Et à partir du moment où vous vendez un produit fini, bah, vous avez une obligation de délivrance conforme, vous avez une obligation de jouissance paisible pour l'acheteur. Non, mais je sais bien, et si vous avez un problème, vous avez le droit de vous retourner contre vos propres fournisseurs. Ou alors, monsieur, rendez-lui ce qui vous a permis de gagner de l'argent. Juste, si je peux m'exprimer par rapport à ce que vous me dites, pour vous faire une formule et une réponse. Forcément, nous, moi, c'est pas moi qui construis le véhicule. On se doit, bien sûr, que Madame Morey soit satisfaite. Donc, quand on a un souci comme celui-ci, moi, le camping-car, je peux pas demander le remboursement comme ça en claquant des doigts. Vous vous rendez compte, 56 000 euros, c'est pas une petite somme. Oui, mais ça, c'est à elle qu'il faut le dire, hein, que 56 000 euros, c'est pas une petite somme, parce que je pense que son chiffre d'affaires personnel est... Je veux juste terminer pour que je puisse m'exprimer. Voilà. Donc, dès que Madame Morey est tombée en panne, bon, malheureusement, ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps, on pouvait pas savoir qu'il allait avoir une deuxième panne. Ah ben non, mais non, monsieur, vous ne faites pas de la voyance, évidemment, je sais bien ça, monsieur. Ben on a fait le nécessaire pour remplacer le moteur. Heureusement, monsieur, heureusement. Sauf que, ben, on a remplacé le moteur, maintenant, effectivement, il faut le remplacer une deuxième fois. Moi, j'ai laissé un message à Madame Morey, samedi. Oui. Je ne sais pas si elle m'entend. Oui, elle vous entend. Pour la rencontrer. Oui, je vous entends. Voilà. J'ai laissé un message samedi pour vous rencontrer, pour qu'on puisse échanger. Mais elle est là, monsieur, monsieur, c'est simple. Excusez-moi, monsieur Guinut, excusez-moi, moi aussi, je vais commencer à parler. C'est que au bout de il y a deux mois, je vous ai vu qu'une fois au téléphone, c'est il y a deux mois, et je vous ai dit comme quoi que je voulais vous rencontrer. Vous m'avez dit je veux pas trop vous rencontrer parce que mon dossier vous voulez pas me rencontrer autour d'une table. Là je vous ai une deuxième fois, vous m'avez eu samedi, c'est vrai. Mais le souci, c'est qu'est-ce que vous allez me dire au téléphone ? Qu'est-ce que vous allez me dire à cet entretien ? Que mon camping-car, il est encore en panne ? Ça, je le sais. Depuis le départ, vous m'emmenez en bateau. Nous allons appeler, si vous le voulez bien. Je dois marquer une petite pause. Je vais répondre à Mme Morey. Non, mais monsieur, j'ai que 20 secondes. Monsieur, je vais vous donner un curseur de gravité. C'est-à-dire que sur la première panne, je peux pas... Malheureusement, ça arrive de temps en temps. C'est pour ça que les garanties existent. Ça arrive que de temps en temps, il y a des pannes. Je ne peux pas rencontrer tous les gens qui rencontrent des pannes. Pourquoi sur leur véhicule. Il y a tant de pannes que ça, monsieur? Pourquoi il y a... Oui, il a raison, vous avez beaucoup de pannes sur tous les véhicules. Non, ça arrive de temps en temps. Eh ben alors, vous pouvez les rencontrer tout de suite. De temps en temps, des clients. Bon, je dois marquer une pause. Expliquez-lui, Bernard, à ce monsieur. Vraiment, je suis navré, mais je suis obligé de marquer une pause publicitaire. On va le reprendre après, mais je suis désolé, mesdames et messieurs. Le fait de dire, elle est tombée en panne, on lui a changé le moteur. Mais heureusement, imaginez que vous achetiez un camping-car neuf, vous arrivez deux semaines après, il est en panne. Eh ben, tant pis pour toi. Personne ne dit ça, mais c'est juste qu'on achète du neuf pour que ça marche. Enfin, j'essaie de le faire comprendre à tout le monde, ça. À tout de suite. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il fait beau et chaud, mais vos jambes vous pèsent ? Pourquoi souffrir quand il existe une solution pour être bien ? Moi, j'ai choisi Gincorfort, un médicament qui apaise les douleurs des jambes lourdes et tonifie les veines. Gincorfort, mon bien-être passe aussi par mes jambes. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Et là, chérie, j'ai suggéré que l'entreprise passe chez Direct Energie pour l'électricité et le gaz. Ah, et donc ? Et donc, mon patron a trouvé ça super malin, et donc on économise 10% grâce à moi. Et donc ? Eh ben, on a une nouvelle photocopieuse. Ah, super. Avec Direct Energie, en 5 minutes et dès aujourd'hui, les professionnels aussi peuvent payer l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergie.com. Service et appel gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple. concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Je viens d'avoir 40 ans, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Eh, je me suis même fait percer. Où ça ? Ah non, je te le dis pas. Et je fais du kickboxing. Non, parce que l'aquagym... Ah ouais ! La Ford Fiesta aussi a 40 ans, et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux, avec air conditionné, audio sync Bluetooth et navigation, est à 149 € par mois. Venez l'essayer en concession et tentez de la gagner. LOA avec premier loyer de 1990 € puis 47 loyers de 149 € par mois, coût total si achat 14 494 €. Réservé aux particuliers, si acceptation par Ford Crédit. Offre et règlement sur Ford.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bernard, reprenez le micro rapidement pour nous dire où nous en sommes, s'il vous plaît, avec nos amis de Sud-Loire Caravane 49. Je comprends ce monsieur qui n'a peut-être pas la trésorerie pour rembourser Christelle, mais comprenez que le client a payé 56 000 € et qu'au bout de 2 mois seulement, on lui dit qu'il faut changer une deuxième fois le moteur. Monsieur Guinut souhaite parler, il ne souhaite ne pas être interrompu, il a quelque chose à dire à notre auditrice. Mais c'est à condition, monsieur, je vous laisse tout le temps, j'ai 5 minutes très exactement, mais dites-moi du... Parlez-moi de concret, monsieur. On a tout compris, sinon dans le reste. Je voulais revenir sur tout à l'heure, puisque je n'ai pas pu finir ma phrase. Oui. Et peut-être le sens, du coup, est différent. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que Mme Maury, effectivement, quand elle a eu sa panne de moteur, elle m'a appelé, elle m'a demandé à ce que je la rencontre. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, que nous, on faisait ce qu'il fallait derrière. Je crois qu'elle a eu chez nous la personne qui s'occupe du service après-vente. Elle avait très régulièrement au téléphone pour l'informer de ce qu'on était en train de faire. Sauf qu'effectivement, malheureusement, et ça arrive quasiment jamais... La réparation qu'on a fait, enfin l'échange du moteur, faut le rechanger une deuxième fois. Donc là, effectivement, quand on m'a prévenu de ça, j'ai appelé Madame Maury en disant voilà, j'ai besoin de vous rencontrer puisque là, je suis d'accord pour qu'on puisse faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Je me mets à sa place. Effectivement, le camping-car vaut 56 000 €. Même moi, je ne peux pas me permettre de laisser Madame Maury dans cette situation. Donc j'ai appelé samedi dernier. Madame Maury, pour qu'on puisse la rencontrer, que je puisse la rencontrer samedi, et cette semaine, je dois discuter avec les constructeurs et Fiat et le constructeur du camping-car pour qu'on puisse voir ensemble comment on va faire. Alors, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, vous savez pas, en fait, ce qui va se passer. Là, vous attendez qu'on vous le dise, ce qui est quand même assez inquiétant. C'est un cas parce unique, que... hein. Pardon ? C'est un cas unique, hein, ça nous arrive. Non, mais heureusement, monsieur. Imaginez que tous les gens qui rentrent chez vous aient à changer 2 fois le moteur en 2 mois. Évidemment que c'est un cas unique. Et c'est justement parce qu'il est unique qu'il devrait être facile à résoudre. Quand on a un cas unique comme c'est, qu'on est une grande marque et quelqu'un de sérieux, on dit, mais on peut pas laisser quelqu'un qui nous a donné 56 000 € en 2 mois lui changer 2 fois le moteur. Donc on le change tout de suite puisque ça n'arrive jamais. Mais là, apparemment, c'est même pas le cas. Et en plus, on est hors délai. Oui, effectivement, monsieur Maître Fellono. Moi, ce que je vois dans ce dossier regrettable pour tout le monde, et pour vous aussi, on en a bien conscience. Bien sûr. C'est qu'il y a quand même le code de la consommation qui est très clair vis-à-vis du vendeur. Vous êtes exposé en première ligne, monsieur. Que ça vous plaise ou pas, c'est quand même comme ça. Vous avez 30 jours pour faire une réparation. Si cette réparation n'est pas efficace, ensuite, on peut demander un échange. Et si l'échange n'est pas possible, à ce moment-là, c'est l'annulation pure et simple. Les délais sont largement passés. Elle va devant un tribunal. Là, je pense qu'elle aura gain de cause immédiatement. Bon, pour l'instant, non, vous pouvez... on en est conscient. La difficulté, Alec, c'est un problème de moteur et l'échange, il faut qu'on le sollicite auprès du constructeur de la cellule. Mais monsieur, donc, encore une fois, monsieur... C'est pour ça que c'est difficile. Monsieur, je peux parler ? Oui, allez-y vite, Christelle. Au niveau de changement du moteur de la cellule, le souci, c'est que tout le monde me dit « Ah ben, il faut voir ça pour faire un échange de camping-car. » Tout le monde me dit qu'il faut voir ça avec vous. Bon, Christelle, là, excusez-moi, tous les deux. Christelle, on parle pour ne rien dire. Non, là, c'est moi qui interviens. Ne parlons plus pour ne rien dire. Il y a une dame qui a acheté un camping-car neuf. Elle doit avoir un camping-car qui marche. Elle a un camping-car qui ne marche pas. Il faut lui changer. Basta, il n'y a pas à discuter de dire c'est moi, il faut que je demande. J'aimerais tellement pouvoir rentrer chez vous, monsieur, et vous dire je voudrais un camping-car. Vous allez me dire donnez-moi un chèque. Et je vais vous dire alors voilà, j'ai un problème avec mon chéquier. Il faut que j'en réfère à ma femme pour savoir si vous pouvez l'encaisser. Vous allez me rire au nez. Et si je vous dis, ah ben, je ne l'ai toujours pas au bout d'un mois, il ne marche pas mon chèque. Il est en panne, mais je vais vous le changer. Vous n'allez pas me le donner, le camping-car, vous le savez. Alors dans l'autre sens, sens, c'est la même chose. Je dois remarquer, on va appeler d'ailleurs le siège. Oui, Bernard. Juste un dernier point, monsieur Olivier Guinut, hors antenne, m'a dit la chose suivante, que vendredi prochain, il recevrait Christelle, parce qu'entre-temps, il aurait fait une enquête auprès de, justement, du constructeur pour trouver une solution. Voilà ce qu'il m'a évoqué hors antenne. On a pas entendu votre appel pour faire le... Oui, c'est pas grâce à nous, monsieur. Je sais bien que vous n'avez pas entendu notre appel. Qu'on sollicite les différents fournisseurs pour voir comment est-ce qu'on peut faire, puisque nous-mêmes... Mais c'est simple, monsieur, vous lui changez ou vous lui remboursez, il n'y a pas d'autre solution. Vous lui en donnez un autre, le même. On va essayer de voir avec les différents fournisseurs pour voir comment on va se sortir de cette affaire. Mais pendant ce temps-là, est-ce que vous lui avez prêté un camping-car? On lui a proposé pour un camping-car. C'est bien. Alors, on va essayer d'avoir... Comment? Ah non, on m'a pas proposé. Laissez-la parler, monsieur. Dites-moi, Christelle. Ah non, attendez. Quand le camping-car il est tombé en panne, le sous-directeur, celui-là qui s'occupe. Allez à l'essentiel, Christelle. Notre dossier. Pour qu'on puisse partir en vacances, il nous a prêté un tout petit véhicule pour 4 personnes. C'était un tout petit machin. La vaisselle, elle était toute sale. La paroi de douche, elle était cassée. Au bout de 15 jours, au bout de 15 jours, je l'ai rendu sur Cholet parce que je voulais pas avoir ce véhicule chez moi. Non, j'ai dit, c'était un tout petit véhicule pour 4 personnes. Plus bon, ok. Un chien. Vous imaginez, vous achetez un camping-car 56 000 euros, on vous prête ça, c'est pas du tout la même chose. On va appeler, vous me préparez, vous faites l'appel. Déjà, je marque une pause, on essaie d'avoir le pilote groupe qui fabrique la marque Bavaria pour avancer. On va pas attendre qu'il y ait des réunions et que quelqu'un veuille bien, à un moment donné, se dire, peut-être qu'on peut éventuellement. Non, ça y est, la décision, normalement, elle devrait être prise depuis longtemps, il me semble. Et bien que ça n'arrive jamais, que ça soit une marque sérieuse, c'est justement, je le redis, parce que ça n'arrive jamais, que ça devrait être réglé rapidement. N'oubliez pas, le grand téléviseur, très vite, vous le gagnez, il est fantastique, il mesure 165 cm, avec écran incurvé, 3210 touche numéro 2, puis encore touche numéro 2, ou bien SMS RTL au 74 900, vous avez jusqu'à 11h. Antivichère et chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, tentez de gagner 2 places pour la finale de l'UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola en faisant vos courses chez Intermarché. Oh, ça c'est du cadeau qui va droit au but. Venez vite jouer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité et magasins participants sur intermarché.com du 24 mai au 12 juin. Propriétaires, professionnels de l'immobilier, confiez à Diagamter vos diagnostics avant la location ou la vente de votre bien. Diagamter, le réseau national de diagnostiqueurs immobiliers certifiés sur diagamter.com. Diagamter, irréprochable pour votre bien. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990 euros. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, et ils mettent le paquet pour les fans de foot, hein. Dès demain, le sachet de 75 grammes de mini saucisson sec pur porc est à 92 centimes. Les mini saucissons secs à 92 centimes ? Moins d'un euro chez Lidl ? Alors là, on est hors jeu. Hein. Oh, sûr patron, hein. Et en plus, il y a le choix, hein. Nature, noix ou chorizo. J'en ramène pour la mi-temps. Toi, je vais te mettre sur la touche, hein. On est mal, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 12,27€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. On prend un petit peu de temps sur ce cas. Nous appelons la marque, le constructeur, tout le monde. On essaie de conclure ça avant 10h15, dans le 9h30, 11h, l'émission d'RTL. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. I love Marie Guerrier. Il est 10h. L'information sur RTL avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. La direction de la SNCF et les syndicats de cheminots se sont quittés après 19 heures de négociations. Et ce matin, il y a un projet d'accord sur la table. Il sera soumis à signature d'ici au 14 juin. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, estime qu'avec ce projet sur l'organisation du temps de travail, il n'existe plus aucune raison de faire grève. Il espère que le mouvement cessera dans la journée pour un retour à la normale dès demain. En attendant, aujourd'hui, le trafic est encore perturbé pour le 7e jour d'affilée. La fronde contre la loi travail s'exprime encore ce matin au Havre et à Rouen. Des centaines de militants CGT bloquent la zone industrielle havraise dans le prolongement de la zone portuaire où se trouve notamment la raffinerie Total et une usine Renault. Et puis à Rouen, des barrages filtrants sont installés aux entrées de la ville et il y a de gros bouchons, nous indique Frédéric Veil sur place pour RTL. Le pic de crue de la rivière Essonne est attendu dans la journée. Partout ailleurs, l'eau baisse, mais 7 départements restent placés en vigilance orange parce que cela prend du temps pour que les cours d'eau retrouvent leur lit. La Seine a accéléré sa décrue au cours de la nuit. À Paris, elle est redescendue en dessous de 5 mètres. Pour autant, les voies sur berge sont toujours inondées dans la capitale et le RERC toujours à l'arrêt dans Paris intramuros. Ce matin sur RTL, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a à son tour appelé les assureurs à indemniser au plus vite et sans barguigner les victimes des intempéries. 1300 communes ont déposé un dossier de demande de classement en catastrophe naturelle. Attention, des orages sont attendus dans la journée, dans le nord, mais aussi en descendant vers l'Île-de-France, le centre et le sud. Alors les orages seront particulièrement violents sur le nord-nord-est de la France. 8 départements sont en alerte orange. Le nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise, la Somme, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Les premières averses sont attendues à partir de 14h et ça va durer jusqu'en début de nuit. En Turquie, un attentat dans le quartier historique d'Istanbul a fait au moins 11 morts ce matin. La bombe actionnée à distance a explosé au passage d'un bus transportant des policiers. C'est maintenant assuré, Hillary Clinton sera la candidate démocrate à la présidentielle américaine. Elle entre dans l'histoire puisque c'est la première fois qu'un parti investit une femme pour la présidentielle. L'équipe d'Allemagne de foot s'installe aujourd'hui à Evian alors que l'Euro va commencer vendredi. Premier entraînement des Allemands à 18h30, nous indique Serge Puyot dans les Alpes pour RTL. Les Polonais, eux, prennent leur quartier ce soir à la Baule, nous signale Patrice Gabard du bureau RTL de Nantes. La Bourse de Paris a ouvert en hausse, plus 0,45%, et la hausse est encore plus forte à l'heure qu'il est. Le CAC 40 tourne autour de 4 464 points. Pour la météo du jour, je viens de vous dire qu'il y allait donc avoir des orages et qu'ils vont concerner les deux tiers du pays. Ça va rester calme sur la façade atlantique et près des Pyrénées. Il fait chaud hein, quasiment partout. Cet après-midi, vous aurez 18 degrés au Havre, 21 à Rouen, il fera 23 à Paris, 24 à Lille, 25 à Bordeaux, à Besançon, à Toulon, 26 à Lyon et Strasbourg, 28 à Marseille et jusqu'à 29 à Nîmes. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Et les courses à Saint-Cloud cet après-midi, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 8, le 4, le 2, le 3, le 14, le 15, l'As et le 12. La dernière minute de Bernard, c'est le 15 et attention, le 9 est non partant. Il est 10h04 et vous êtes sur RTL avec bien sûr Julien Courbet. Merci Marie, à tout à l'heure 11h pour d'autres infos. Écoutez, ce matin c'est une spéciale PV radar camping-car parce que j'ai l'impression que nous avons un cas qui va nous mener jusqu'à très très loin dans la matinée. Mais le cas est incroyable. Voilà un cas d'école pour l'émission pour le 9h30-11h. Celui de Christelle qui nous a dit ceci. Surtout, maître de Caumont, raclez-vous bien la gorge au micro pour ponctuer chacune de mes phrases. On est à la maison, on est entre amis et on a le droit de se gratter, on a le droit d'éructer, on a le droit de faire tout ce qu'on veut sur le plateau. Il avait un petit truc qui le... Voilà. Il avait un chat dans la gorge. Exactement. Bah écoutez, vivement que vous ayez la femelle. Écoutons ce que nous a dit Christelle. Je paie un camping-car 56 400 euros. Dès le premier jour, il tombe en panne. Le problème se situe au niveau du moteur. Quelques jours après, on me change le moteur pour la première fois. Maintenant, ça fait 2 mois que le camping-car est au garage. Maintenant, ils me disent qu'il faut changer le moteur pour la seconde fois. L'histoire est quand même hallucinante. Le camping-car a 2 mois. Elle a payé 56 400 euros et il va falloir changer le moteur pour la deuxième fois. Aujourd'hui, elle dit basta, je veux mon camping-car. D'autant plus que quand elle est partie en vacances, on lui en a prêté un, mais qui n'a rien à voir avec le luxe de celui qu'elle s'est offert avec ses économies de 56 000 euros. Donc, nous avons appelé Caravaning Centrale à Cholet. c'est l'endroit où elle l'a acheté. C'est son interlocuteur, Maître Fellonneau. Et lui, il nous dit... Ben moi, à mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose. C'est là-haut que ça se décide. Moi, j'ai pris effectivement le chèque, je l'ai encaissé. J'ai certainement pris, je l'espère pour lui, et c'est tout à fait normal, c'est un commerçant, une belle commission, mais je ne peux rien faire pour ce changement, je n'ai pas de décision à prendre. Donc nous appelons au-dessus. Nous appelons Sud-Loire Caravane 49 Sud, à Beaulieu-sur-Layon, où nous avons Monsieur Guinut qui nous dit... Écoutez, on la laisse pas tomber puisqu'on répare. On lui dit, écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle que vous répariez. Vous pourriez effectivement, sur un œuf, la laisser sur le bord de la route. Mais il faut que je fasse des réunions pour que l'on me donne l'accord de lui changer. Alors, on l'avait il y a quelques instants. Et quand il a entendu que je disais qu'on allait appeler encore au-dessus pour essayer d'avancer, puisque notre objectif, c'est d'avancer... Il nous a dit, bah, écoutez, débrouillez-vous avec le constructeur et tenez-moi au courant si vous avez besoin. Voilà, voilà sa phrase. On va voir s'il veut rappeler Christelle. En tout cas, c'est une bonne façon de voir comment le client est traité. Vous savez, c'est pour ça que je dis souvent qu'on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien, parce qu'il y a les belles pubs et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que cette dame, elle a 56 000 euros dehors, pas de camping-car et qu'on doit lui changer le moteur deux fois au bout de deux mois. Donc, nous avons essayé d'appeler la grande marque Bavaria, puisque c'est eux qui vendent ces camping-cars. Oui, Pilot Group, comme on dit. Et 3 minutes 50, je suis tombé sur une charmante dame qui a décroché, qui m'a dit, écoutez, monsieur Héron ne pourra pas vous parler, responsable du service. Et puis, les autres sont en convention, donc ni le président, ni le directeur général sont disponibles. Alors, monsieur Héron, au début, vous deviez avoir, vous étiez trompé, vous deviez avoir monsieur Tapon. Oui. On vous a dit Héron, oui. petit Patapon. Oui. Ah, c'est comme ça qu'on est arrivé sur lui. Donc, on essaie de les rappeler maintenant. Et d'abord... Non, parce qu'on s'était trompé de nom, maître Fellonneau. Bien sûr. Il a dit qu'il faut avoir monsieur Tapon. Ah, non. Héron, oui. Petit Patapon. Bonjour et bienvenue. Je l'ai fait deux fois pour ceux qui ne l'avaient pas compris la première fois. Parce qu'elle est tellement fine. Effectivement. Donc on appelle Bavaria et là, j'ai envie de savoir comment une marque traite ses clients. C'est là, c'est maintenant que tout se joue. Est-ce que vous vous rendez compte ? Excusez-moi, j'ai l'impression là d'être sénile et de répéter tout en boucle, mais ça me paraît tellement hallucinant de voir quelqu'un entrer dans une concession, lâcher 56 000 euros et au bout de deux mois, deuxième changement de moteur et on lui dit, on ne sait pas si on va vous le changer, il faut voir. Et quand on appelle, personne ne pourrait un problème. C'est de la folie. Moi, ça me rendrait fou. De toute façon, je pense, maître Decaumont, qu'il faut signer tout de suite dans ces cas-là. Ah bah dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter. On est dans une hypothèse d'école. Le véhicule qu'on touche et qui ne marche pas dès le début. À partir de ce moment-là, c'est, moi je dirais, c'est une semaine pour l'échange ou le remboursement, ou sinon, c'est le tribunal et l'assignation, c'est tout. Alors là, chez Bavaria... Bonjour et bienvenue chez Pilote. Nous allons c'est donner Pilote suite Bavaria. À votre appel. Pilot Group. Hello and welcome to Pilot. We are going to connect you. Je ne sais pas s'ils vont répondre, ils savent, ils écoutent. D'ailleurs, ils sont en train de nous écouter, je les embrasse. On va laisser tourner comme ça. Mais j'ai peur que le guitariste ait les doigts en feu au bout d'un moment. Parce que lui, il joue pour meubler, mais il arrivera à un moment donné, il ne va plus pouvoir jouer de la guitare, le malheur. J'ai attendu 3 minutes 50. Hein, allez, moi. On va voir le nouveau record. Faites tourner le compteur pour voir combien de temps nous allons attendre. Nous allons nous retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL, toujours sur ce cas. Mais on va ouvrir une petite parenthèse. Je vais vous raconter une histoire hallucinante qui m'a été racontée hier et la personne sera au téléphone. Personnellement, je ne savais pas que ça pouvait arriver sur des voitures. On va vous la raconter et je rappelle que là, très vite, il faut téléphoner car il y a pour fêter l'euro, pour fêter... Ah, alerte. Allô, Bavaria ? Allô, Bavaria ? Vous êtes au groupe Pilote, bonjour. Oui, bonjour le groupe Pilote. Bonjour madame, je suis Julien Courbet. Justement, j'étais en train d'essayer de vous rappeler. Génial. Restez en ligne, monsieur Courbet. Merci. Allez, on récupère l'appel. Bernard, vous me passez quelqu'un dans une seconde. Donc vous gagnez. Voyez, c'est pour fêter ça aussi que Bavaria nous a répondu. Je vous offre une TV Samsung avec écran incurvé, 2000 euros, 165 cm de diagonale. Vous faites 3210, touche numéro 2, puis encore numéro 2. Ça sera tous les jours de la semaine au SMS RT. Au 74-900. Allez, il nous parle dans une seconde, Bernard. Je dois marquer une pause, faites-les patienter. Ils peuvent patienter 30 petites secondes. Elle attend depuis deux mois. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Bon, les gars, c'est une semaine historique. Si on veut accrocher ce record, va falloir donner le maximum. Ouais. C'est cette semaine ou jamais, je peux compter sur vous. Ouais. Je veux 24 mecs à fond, 24 champions. Mais coach, on est que 11. J'ai dit 24, je veux tout le monde. Les remplaçants, même les arbitres.

avoir donc Bavaria dans une seconde au bout du fil. Bernard, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Héron. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis vraiment navré, monsieur Héron, d'avoir à vous déranger. Je sais que c'est une journée un peu particulière pour vous, mais je suis sûr que, comme la satisfaction du client doit être votre première volonté, que vous comprenez que pour Christelle, aujourd'hui, la situation est devenue un peu intolérable, parce qu'elle vous fait confiance. Elle achète un camping-car neuf, 56 000 euros, 2 mois qu'on lui a livré, et déjà deuxième fois qu'on lui dit va falloir changer le moteur. Elle dit c'est pas possible, il faut me le changer, et elle n'arrive pas à se faire entendre. Alors on se tourne vers Dieu. C'est-à-dire vous. Je vous remercie. Écoutez, nous, sur ce dossier, on le connaît très bien. Madame Maury, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. On en a discuté à plusieurs reprises. Bon, il faut comprendre une chose, en fait. D'abord, je vais partir du point de départ. Nous sommes les premiers désolés de ce qui se passe. Et je pense que personne peut dire le contraire. C'est vraiment, pour nous, très, très, très problématique ce qui se passe. Monsieur de Bavaria, puis-je, s'il vous plaît, vous demander tout ceci, vos collaborateurs nous l'ont dit. Celui d'avant nous ont dit que qu'ils étaient désolés, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir du concret pour rassurer vos futurs clients à qui il pourrait arriver la même chose? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une cliente qui a payé 56 000 euros et qui, au bout de 2 mois, se doit le laisser encore pour qu'on lui change le moteur une deuxième fois? Concrètement, qu'est-ce que vous lui dites? Concrètement, c'est absolument clair. Nous rencontrons Fiat demain. Donc sans Fiat, vous ne pouvez pas, le concessionnaire local ne peut pas prendre la décision, le régional ne peut pas, vous, la marque, vous ne pouvez pas. C'est donc maintenant entre les mains de Fiat. Si alors, Fiat vous dit non, alors qu'est-ce que vous faites? Si je peux me permettre. Le camping-car, effectivement, c'est un camping-car désigné Fiat Pilote. La partie qui touche au moteur, c'est la partie qui correspond à la responsabilité de Fiat. Nous, en tant que constructeur pilote, on est... Allô ? Oui, je vous écoute, ça sonne chez vous, monsieur. On est absolument partenaire de Fiat, hein, et on va trouver la solution, on va la trouver avec eux. J'ai une petite question à vous poser, monsieur. Le chèque, Christelle, vous l'avez fait à l'ordre de qui ? De Cholet. De Caravaning Central. Caravaning Central appartient à qui, monsieur? Est-ce que ça appartient au groupe Bavaria ou est-ce que ça appartient au groupe Fiat? Ni l'un ni l'autre, c'est une société indépendante. C'est une société complètement indépendante? Bien sûr. D'accord, mais c'est à vous qu'ils achètent les... Bien sûr, c'est un réseau de distribution. Donc... Bon. Alors, je vous repose la question si Fiat vous dit non. Non mais, en fait, enfin, pardonnez-moi, hein, mais je le vois pas exactement de cette manière. La question, elle n'est pas de dire non, parce que bien entendu qu'il faut trouver une solution pour Madame Maury, ça n'a que trop duré, tout le monde est d'accord pour le dire. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire... Le souci, excusez-moi. Oui, allez-y. Excusez-moi, mais c'est depuis le départ que vous me dites que ne fait rien. Fiat, vous me dites depuis le départ que... Que Fiat, bon, bah, on voit ça, mais vous voyez rien du tout, parce que vous m'emmenez en bateau à chaque fois. Christelle, ça on l'a déjà dit. Monsieur, excusez-moi parce que je suis un peu au taquet, mon horaire, parce que moi, par contre, j'ai pas envie de mettre 2 mois. Alors, vous me dites aujourd'hui que vous allez demander à Fiat l'autorisation et que si Fiat vous dit non, je vous repose la question, soyez sympa, monsieur, répondez-moi. Si Fiat vous dit non, qu'est-ce que vous faites? Je viens de le dire, je prends l'engagement de donner une réponse à Madame Maury. Non, c'est pas une réponse, mais ça veut dire quoi? Je prends l'engagement de donner une réponse. Je prends l'engagement de lui dire oui, madame, je vous le change, ou je prends l'engagement de lui dire madame, allez vous faire voir. C'est quoi la réponse que vous lui donnerez dans ces cas-là? On répond jamais ça à nos clients. Mais vous lui direz quoi, monsieur de Bavaria? Nous lui fournirons la réponse dès que nous aurons... Non, d'accord, vous savez pas, en fait. Allez, ça marche. Vous savez, monsieur, je vous le dis très honnêtement, on appelle depuis ce matin, ça donne pas envie, hein, vraiment, parce que personne n'est capable de se mouiller, de s'engager pour une cliente qui pourtant a payé. Je marque une pause et je vous redonne la parole autant que vous voulez, monsieur, je vous le promets. Moi, j'ai une parole, je vais vous la donner. À tout de suite. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Mais il va avancer, lui. Oh. C'est vert. Tiens, goûte ce Tanzanie noir. 75% de cacao, de riz au thé chocolat. Fabricant français. Oh, regarde le petit oiseau, là. Piou, piou. Découvrez-vous aussi l'effet riz au thé chocolat avec 16 nouvelles tablettes à partir de 2,95€. Riz au thé chocolat, 51 magasins. Pour votre santé, bougez plus. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Vos pieds sont secs et rêches. Vite, la solution, c'est le baume Hydra Défense Aquiléine. Grâce à ses extraits de soie, il est agréable comme une crème de beauté et incomparable pour retrouver vite des pieds doux comme de la soie. Pieds secs, déshydratation sévère, le baume Hydra Défense Aquiléine procure une hydratation 24 heures non-stop. Dès les premiers jours, les rugosités s'estompent et la peau est visiblement plus lisse. Baume Hydra Défense Aquiléine en pharmacie et espace santé. Aquiléine. Nous, c'est le pied. Électro, dépôt. Tout le sport en haute définition, c'est électro-possible. Chez Electro-Dépôt, le téléviseur connecté HD 80 cm Edenwood garantie 2 ans est à 179,84€. Electro, dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation d'un euro. Electro-Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française. Mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous sommes toujours au point mort. Après Caravaning Central à Cholet, après Sud-Loire Caravane 49, après le pilote groupe Bavaria, personne... Alors si, ce que nous venons d'apprendre de la part du responsable, je crois que c'est M. Luminet qui est en ligne avec nous. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un autre. Non, c'était pas Luminet. Monsieur Héron, il nous dit maintenant, ça va, il faut voir ça avec Fiat. Parce que nous, on achète des moteurs Fiat qu'on met dans le camping-car. Donc si le moteur ne marche pas, ça sera à Fiat de payer, pas à nous. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement on ne peut pas entendre. Eh ben, surtout de la part d'un avocat qui a son texte de loi en face. Et moi, je vous propose de lire et de dicter un petit mot à Christelle, parce que maintenant, il faut faire une lettre recommandée, Christelle, très comminatoire. On continue, nous. Et entre-temps, aussi, allez voir un avocat. Nous continuons. Et là, votre avocat, lui, fera également les premières démarches. Et là, je peux vous dire qu'on attendra plus Fiat et qu'ils vont prendre des dispositions immédiates. Alors, on va lui dicter ce petit texte dans quelques instants. Nous appelons Marie-Danielle Padiou de chez Bavaria, à bien vouloir s'exprimer si elle le souhaite, mais là franchement ça fait froid dans le dos puisqu'on voit que pour le client on ne peut rien. Alors on va appeler Fiat aussi, bien que je le rappelle, juridiquement c'est comme si vous achetiez une voiture, la jauge d'essence ne marche pas, elle est neuve, et là le vendeur de chez Renault, Peugeot, Citroën, Ferrari, Porsche, Lada, qui vous voulez, vous dit « Monsieur, c'est pas nous qui le fabriquons. Les jauges d'essence sont fabriquées en Polynésie ou aux Philippines. Et comme le type ne veut rien faire là-bas, va falloir rouler sans jauge d'essence, mon petit monsieur. » C'est exactement ça, maître de Caumont. C'est exactement ça. Il faut rappeler un principe fondamental à tous nos auditeurs. Celui à qui vous achetez le véhicule est responsable de son parfait fonctionnement, y compris, bien sûr, tous les accessoires qu'il fabrique pas lui-même, même s'il n'est que le troisième revendeur, parce que, c'est à lui de se retourner contre ses fournisseurs et non pas à vous d'y aller directement. Que se passe-t-il, Bernard Sabat ? Monsieur Héron veut vous parler, Julien, le responsable justement du service après-vente de Bavaria. Il veut quelques mots. Monsieur Héron, j'ai pile 2 minutes à vous consacrer. Je vous écoute. Bien. C'était pour préciser ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que nous souhaitions vous donner notre position définitive dans 48 heures, je vais être un petit peu plus précis. Nous étudions aujourd'hui et demain le renouvellement du camping-car. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se rappeler dans 48 heures pour qu'on vous donne notre position définitive sur le sujet. Super, on fait comme ça. Christelle, vous êtes d'accord? Dans 48 heures, nous aurons une réponse définitive de Bavaria. Oui. D'accord. Oui. Nous, on va quand même, monsieur, si vous nous le permettez, en antenne, je vais demander à Bernard Sabat d'essayer d'avoir Fiat pour qu'il donne une explication, sachant, monsieur, je vous le répète, qu'elle n'a rien à voir avec Fiat. Bon, vous vous rendez compte que quand on rentre dans une concession, vous êtes d'accord, on ne dit pas « alors donnez-moi la liste de tous les fournisseurs qui ont fabriqué la voiture ». On rentre parce que vous nous dites « Bavaria, on est les meilleurs », donc on rentre chez vous. Mais si après vous nous dites « attendez, on est peut-être les meilleurs, mais le moteur, c'est pas nous, c'est Fiat, faut voir avec eux », là, ça donne plus envie d'entrer. Donc j'espère vraiment que vous saurez prendre les bonnes décisions, monsieur, vraiment. Non, mais je vous l'ai dit, je m'y engage. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, excellente journée à vous. Dans une seconde, je vais donner la parole à monsieur qui est déjà en ligne avec nous. On va marquer une petite pause. Je crois qu'il s'appelle Nicolas. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Julien. Nicolas va nous raconter une petite anecdote, mesdames et messieurs. Je savais que l'on pouvait piquer, ça et là, une petite pièce, un rétro à la va-vite sur une voiture et tout. Mais lui, il est tombé dans son garage, c'est-à-dire qu'il est dans un immeuble, c'est ça Nicolas? Oui, tout à fait. En fait, samedi soir, je suis... Ah Nicolas, vous êtes un... je sais que vous travaillez dans les médias, vous êtes un habitué des teasings. Donc on va faire une petite pause, là, je les ai appâtés. Mais vous allez voir sur quoi il est tombé quand il est descendu au sous-sol et qu'il est allé récupérer sa voiture. 3210, touche numéro 2, puis encore touche numéro 2 pour gagner un écran tellement large qu'il va dépasser de la maison. Ça, c'est pour fêter l'euro. A tout de suite. Tu peux venir, s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de Simon. Simon? Ah, c'est qui, Simon? Bien essayé. En attendant, les sacs de Simon, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité CarePort Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution CarePort Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr. Carrefour Market. Je reviens un week-end à la campagne, c'était super. Mais le chant du coq tous les matins à 5h, oh là. Vous préférez qu'il chante dans votre assiette, Michel? Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% de remise immédiate sur les cuisses et filets de poulet Maître Coq Origine France. Oh, j'aime mieux ce que vous me chantez là. Et c'est aussi valable sur toute une sélection de produits de marque. Cocorico! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La barquette de 980 grammes, blanc ou jaune, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors c'est super simple, tu vas sur internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Edelweiss, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, né dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Donc Nicolas est avec nous en direct dans le 9h30, 11h sur RTL. Donc Nicolas, vous habitez à Paris, vous habitez un immeuble et au-dessous de cet immeuble, il y a des parkings. Vous vous rendez, vous avez une Mini Cooper, je crois, et vous vous rendez à votre parking, la place 17. Et quand vous arrivez dans le parking, où il y a donc tous les box, qui ne sont pas fermées d'ailleurs, hein, c'est des places de parking classiques. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez ? Là, justement, je vois un individu qui est en train de bricoler sur ma voiture. Et donc là, je vois que il y avait plus les roues arrière, il y avait plus l'essieu, il y avait l'arrière-train de la voiture est complètement disparu, même le réservoir d'essence qui était plein. La photo, on a une photo sur Facebook, il n'y a pas la plaque d'immatriculation, rassurez-vous, mais on a mis la photo sur Facebook, c'est-à-dire que le type, et alors en plus, il se servait, pourquoi ? Parce qu'il a la même voiture. Ben oui, et en fait, j'ai vu qu'il y avait une autre minute qui est garée à côté. Il est en train de se servir sur ma voiture, quoi, comme dans un supermarché. Mais surtout, ce qui est hallucinant que je n'avais jamais entendu, c'est qu'il n'a pas piqué un rétro. Il a démonté l'essieu. C'est-à-dire que si vous voyez la photo, la voiture est posée par terre. C'est-à-dire qu'il a dit, alors je vais prendre l'essieu, le réservoir d'essence, et il faisait son marché juste à côté. Et là où il a été intelligent, c'est que vous avez pris une photo parce que quand vous vous êtes approché, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur ? Ah bah justement, il a commencé à se rebeller un petit peu, j'ai pris sa voiture. On peut plus photo. Travailler tranquille ici, on est tout le temps dérangé par les propriétaires. Et donc, il a commencé à être menaçant. Voilà, et donc après j'ai pu réussir à appeler la police, et voilà, il y a une enquête qui est en cours. Bon, la police est arrivée parce qu'il a pris en photo l'autre Mini, en disant ce monsieur était en train de me démonter la voiture. Mais vous vous rendez compte que maintenant, même dans les parkings, ils viennent carrément se servir. Et encore une fois, c'est pas une petite pièce, hein, comme sur les motos où il est toujours de bon ton. Là, un taxi-moto me racontait qu'on lui pique toujours la même pièce. Là, il démonte les cieux, allez voir la photo. Maître de Comon, c'est un truc de fou, ça. C'est absolument stupéfiant. J'espère que la police va faire une enquête rapide et que la personne identifiée sera solvable. Sinon, j'espère beaucoup que notre ami Nicolas est bien assuré. Alors justement, c'est ça la question, c'est que quand ça vous arrive, lui il est arrivé, il a pu attraper la personne, enfin il pense l'avoir identifié, la police va juger si cette personne est coupable ou pas, mais si il arrive et que c'est déjà fait, l'assurance dans ces cas-là, elle fait quoi ? Ah, c'est très compliqué parce que c'est pas un vol de véhicule, puisque le véhicule il est là, c'est un vol d'une partie d'un véhicule. Alors là, vous me posez une colle, très franchement. Alors on va la poser au colleur. Julien, c'est de savoir quelle est l'étendue du contrat, parce que là, on est dans des pièces de véhicule, mais attention, s'il s'agit d'accessoires, c'est pas toujours couvert par la garantie. Et entendu que, de toute façon, ça n'est couvert que s'il est garanti contre le vol. Donc si vous êtes assuré à responsabilité civile, ce qu'on appelait au tiers, c'est-à-dire la responsabilité minimale, vous n'êtes pas remboursé. Oh là là. Si vous êtes assuré contre le vol, vous êtes remboursé des pièces du véhicule, mais vérifiez bien dans votre contrat que les accessoires sont également couverts, ça peut coûter très cher. Vraiment 10 secondes, Maître Fellonneau. Écoutez, je ne sais pas quel genre de sanction va être appliquée, mais en tout cas, vous savez, au moment de la grève de toutes les pompes et la difficulté de s'approvisionner, il y a un type qui a été pris en train de siphonner le réservoir d'un de ses voisins. Ah ouais. Il a pris de la prison ferme. Ah bon ? Donc, je suis... En prison, il risque de se faire siphonner un petit peu lui aussi, vous verrez. Ah ben, c'est ce qu'on se dit, moi je suis pas sûr, mais j'en ai entendu parler. Je sais que ça peut arriver quand même sur... voilà, je vous le dis. Après, je le dis avec mes mots, moi c'est pas... Je suis pas là pour ça faire du juridique, mais... Voici Lucas Graham, Seven Years. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. My daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure.

C'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Jacques est en ligne avec nous. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Julien. Alors Jacques, comme il nous reste 19 minutes pour essayer d'avancer dans votre dossier, allons à l'essentiel. Vous avez monté un gîte 4 étoiles. Vous aviez bien préparé pour l'été. Réservation faite, 1080 euros la semaine, c'est ça ? C'est ça, oui. Vos projets risquent de tomber à l'eau parce qu'en début d'année, vous décidez d'installer une piscine et c'est aussi pour ça que je suppose que vous avez le 4 étoiles. Voilà, tout à fait. Hein, quand on veut, il y a des normes, et effectivement, il faut avoir une belle salle de bain, il faut avoir une belle piscine et avoir une belle femme. Sinon, on ne peut pas rentrer dans le 4 étoiles. Et surtout, donner satisfaction à nos clients. Évidemment. Le 9 janvier, vous la commandez, vous payez 27 000 euros auprès d'une grande marque. Le commercial propose d'accélérer la procédure et d'avoir une autorisation pour reposer la piscine rapidement. Et vous regrettez parce qu'il faut un mois pour déposer le dossier, ce qui retarde le début du chantier. Le 24 mars, vous obtenez l'autorisation de construire. Les travaux doivent débuter le 3 avril et se terminer le 30. Et le matériel n'est livré que le 7. Il faut encore attendre une semaine pour que le chantier commence. Le trou est creusé. La chape de béton est coulée. Or, depuis 15 jours, l'entreprise ne donne plus aucune nouvelle. Quand vous les appelez, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ou il y a... Essayez de m'expliquer, ça veut dire quoi, donner aucune nouvelle? Alors, quand je les appelle, j'appelle le représentant, je l'ai appelé monsieur, pas de problème. Parce qu'il me répond chaque fois, mais monsieur, il n'y a pas de problème, ça va arriver, ça va venir. Voilà, donc, et chaque fois, on a des décalages parce qu'il y a une très mauvaise organisation de chantier. Et aujourd'hui, vous n'avez pas la piscine. Les premiers clients à qui vous avez promis une piscine arrivent dans quelques jours, on est d'accord ? Samedi. Ils arrivent samedi. Bon, dis donc, là, je ne sais pas si d'ici samedi, on va pouvoir avoir une piscine. On appelle et vous expliquer tout ça au professionnel, Maître Fellonos. Oui, c'est vous qui allez prendre la parole. Lui, c'est simple, hein, il devait livrer fin mars les matériaux et il doit finir sa piscine fin avril, c'est marqué sur le bon de commande. Alors, on va lui rappeler les dates. Pourquoi on n'explique pas, on ne dit pas aux gens, voilà ce qui se passe, pourquoi on reste sans raison, pourquoi on commence un chantier, tout d'un coup, on ne vient plus? Non, on lui explique qu'il n'aura qu'à faire un rabais, demande à facturer moins cher ses clients. C'est une Oui, bonjour, des joyaux. Oui. Oui, bonjour monsieur, à Nîmes, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Je suis avec un de vos clients, Jacques Denis, qui a le gîte 4 étoiles. Donc Jacques attend désespérément sa piscine, ses premiers clients arrivent samedi, c'est ce qu'il vient de me dire. Jacques, vous vous représentez auprès de ce monsieur ? Comment ? Est-ce que vous pouvez vous représenter auprès de ce monsieur ? Il peut penser que c'est une blague. Ah ben oui, Jacques Denis, donc à Tarot, le village de Tarot, donc je pense que les établissements Jarry, je connaisse bien. Et voilà, donc on attend, comme vous dites, désespérément que la piscine soit finie. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, monsieur ? Allô ? Oui, vous parlez à moi ? Oui, monsieur de Desjoyaux, qu'est-ce qui se passe exactement dans sa piscine ? Il se passe qu'il y a du retard, qu'on attend les margelles que monsieur Denis doit vous fournir, qui ne sont pas là, donc on ne peut pas les poser, on ne peut pas finir. Ah, c'est monsieur Denis qui doit fournir les margelles ? Oui. C'est ça, Denis ? Jacques. Oui, mais c'est Jacques, oui. Mais ça, c'est une fausse barbe. Les margelles, elles sont sur place. Et de toute façon, tant qu'il n'y a pas le liner, on ne peut pas poser les margelles, c'est bien évident. Alors, est-ce que vous avez le liner, monsieur de Desjoyaux ? Pardon ? Est-ce que vous avez le liner ? Oui, le liner se pose après les margelles. Le liner se pose après les margelles. Donc, il vous dit qu'il a les margelles. Ah, j'étais pas au courant. Je lui ai demandé par mail, il ne m'a pas répondu. Ah, Jacques, alors, monsieur dit qu'il vous a envoyé un mail pour les margelles et que vous ne lui avez pas répondu. J'ai pas reçu de mail, donc bon... Monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer une copie du mail que vous avez envoyé à Jacques Denis ? Vous l'avez envoyé quand ? Jeudi dernier, il me semble. Bon, ok. Néanmoins, maintenant, comment on peut faire pour qu'il évite sa piscine ? Parce qu'on n'est pas là pour s'embêter les uns les autres. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas j'ai dit, t'as pas dit, etc. Bien sûr. Alors, comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Si les margelles sont sur place, on peut déjà venir demain. Bon, est-ce que ça vous va, ça, Jacques ? Oui, alors, ça me va. C'est évident que moi, je veux un engagement formel du respect des délais de mise en eau. Parce que c'est ça, en fait, qui est important, c'est quand est-ce qu'on pourra mettre de l'eau dans la piscine. Et la deuxième chose, moi, c'est que apparemment, il renacle un petit peu alors que depuis le début, présentant, on a convenu d'une pose de margelle fournie par nos soins. Et apparemment, maintenant, ça renacle un petit peu à poser ces fameuses margelles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour poser les margelles de monsieur Denis, monsieur de Desjoyaux ? Bien sûr. Voilà, il est d'accord. Problème résolu. Il vient demain. Vous avez les margelles. On est d'accord, Jacques ? D'accord. Bon. À quelle date elle sera en eau? Les margelles sont bien au bord de la piscine. Hein. Les margelles sont devant la maison, sur le terrain. Et donc, il faut qu'ils les mettent au bord de la piscine? Oui, parce que le terrain est assez grand, les margelles sont assez lourdes, oui. Ah, alors il faut que vous mettiez les margelles au bord de la piscine, Jacques. Hein, de toute façon, ça, c'est ce que j'expliquais dans le mail. C'est pas prévu, mais c'est chaque fois, il y a des problèmes. Bon, Jacques, on est là pour régler les problèmes, ne perdons pas de temps. Est-ce que vous pouvez mettre les margelles? Donc Jacques, demain matin, prend les margelles, il les met au bord de la piscine. Non, moi je ne suis pas sur place, moi je travaille. Oui, monsieur, alors quand je dis Jacques, ça peut être n'importe qui, Jacques. Ne jouons pas sur les mots, vous pouvez appeler Paul ou Pierre, ça marchera quand même. Une fois que les margelles... Il faut demander à Jérôme Savonne, et lui, il s'est engagé à les poser. Jacques, est-ce que vous voulez une piscine ou vous n'en voulez pas? Si vous voulez que les choses soient parfaites, vous allez devant un bon juge et vous lui expliquez votre histoire de margelle. Moi, je dérange monsieur de Desjoyeaux pour que vous ayez une piscine le plus rapidement possible. Il me dit, je viens demain à condition que les margelles soient au bord de la piscine. Soit vous les mettez au bord de la piscine et vous irez vite, soit vous ne les mettez pas et puis vous voyez ça avec un avocat. Pour pas embêter les auditeurs, moi, ce que je vous demande, c'est que monsieur Jarige de Desjoyeaux à Nîmes m'appelle directement sur mon portable, et à ce moment-là, j'enverrai un mail à RTL pour le tenir au courant des engagements. Mais écoutez, nous, on fait une émission de radio, Jacques. Absolument. Donc aujourd'hui, moi, j'ai besoin, les auditeurs, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe en antenne, les auditeurs, ils veulent savoir ce qui se passe à l'antenne. Donc je vous pose juste la question, et puis après, on le laisse tranquille, ce monsieur. Est-ce que si vous mettez les margelles au bord de la piscine, ça vous va s'il vient demain? Je ne peux pas mettre les margelles au bord de la piscine, bon, ce n'est pas convenu et je ne peux pas le faire. Alors, est-ce qu'il était convenu, monsieur de Desjoyeaux, que ce soit vous qui ameniez les margelles au bord de la piscine? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Après, c'est difficile en radio, etc. Je retransfère le mail que j'ai envoyé la semaine dernière. Il y a des dates dessus, il y a tout dessus. Alors, vous êtes sûr, Jacques, que vous n'avez pas reçu de mail? Parce que monsieur semble sûr d'en avoir... Je vais regarder dans mes spams, mais bon... J'ai envoyé au siège et à tous mes artisans, tout le monde l'a reçu. Bon. Voilà, Jacques. Donc, je vais regarder dans mes spams. Bon, d'accord. Écoutez, moi, mettez-vous d'accord, mais à un moment donné, Jacques, j'ai juste un petit conseil à vous donner. Je vais vous passer Bernard Sabat. Il faut savoir faire un petit pas dans une négociation, parce que nous ne sommes pas la justice. Il y a des juges, et Dieu merci, parce que je peux vous dire que, heureusement que je ne suis pas juge pour les gens qui sont appelés à venir devant un juge. Nous, on est juste là pour faire une négo. Une négo, c'est faire un petit pas. Si ce monsieur, ça l'embête de mettre les margelles, faites attention. Il vaut mieux lâcher quelques billets pour que quelqu'un vous les amène au bord que vous retrouvez sans piscine. Hein. Faites comme vous voulez. Julien, je suis tout à fait d'accord pour faire des négociations, mais monsieur Jarige présente la situation à son avantage en disant c'est de la faute du client, il n'a pas fait son boulot, alors qu'en fait... Ah mais j'ai pas dit ça début, j'ai jamais dit ça, Jacques. Il nous mène en bateau. Il est bien clair que visiblement, chez Desjoyeaux, il y a eu un petit retard à un moment donné. On se retrouve dans une seconde. Ah Pierre, faudra que je te raconte, il y a un nouveau record. Quoi? Le but le plus rapide de l'histoire? Non, non. La frappe la plus puissante du monde. Le record de carton rouge en un match. Le transfert le plus cher de l'histoire. Mais non, un record à Euro Million Man Million. Du jamais vu. Cette semaine, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Semaine Euro Million Man Million UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin. Pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Leclerc. Juliette,

Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, pour moi, c'est masculin. Bon, parfait. Bah oui, c'est bien, Andy. Il habite à Rouen. Andy, il a quel âge ? Il a 24 ans. 24 ans. Que fait-il dans la ville, Andy ? Je suis commercial. Et il vend quoi, le Andy ? Il vend des chocolats. Il vend des chocolats. Bah voilà, voilà, on regrette pas. On regrette pas une seconde de lui offrir une télévision Samsung 165 cm. Eh, hey, Andy, vous l'avez rien, on l'avait dans le studio hier. Énorme. Va falloir trouver, elle doit pas être très lourde, mais va falloir trouver le moyen de la passer. Vous habitez quoi, en appartement, en maison ? Oui, un appartement. Bon, mais à quel étage ? Au premier. Ah, parfait. Andy, vous aimez le foot ? Oui, beaucoup. Eh bien, vous allez vous régaler, Andy. On va essayer de vous l'envoir hein, d'ici vendredi. Je ne vous le garantis pas à 100%, mais vous allez pouvoir voir. Si on peut d'ici vendredi. Il nous dit que oui. Alors, il nous dit que oui, vous l'aurez d'ici vendredi. Vous pouvez faire une petite soirée entre copains, Andy. Eh bien, c'est génial. Je vous remercie. Vous avez une copine, Andy ? Oui, bien sûr. Bon, parfait. Elle va être contente quand elle va avoir là, les 8-9 avec les chaussettes sur la table basse. Elle ira dans la chambre. Avec les chipsters entre les coquignettes en train de faire. Elle aurait dû lui faire la passe. Elle va passer une bonne soirée. À vous toutes les dames aussi. La pauvre. Parce que c'est ce qui vous, c'est ce qui va arriver à toutes les femmes qui nous écoutent pendant 10 jours. Hein. Allez, Andy, je vous souhaite une bonne journée. Merci de nous écouter. Merci, je vous remercie. Merci, Samsung. Vous savez quoi ? On en remet un autre demain matin. 9h30, un nouveau Samsung à gagner sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Chaque Français produit entre 350 et 400 kilos de déchets par an. Comment réduire nos détritus pour mieux protéger l'environnement ? On fait les poubelles cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidée à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. Génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non. J'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah ben ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédits. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Carrefour Market. Je reviens un week-end à la campagne, c'était super. Mais le chant du coq tous les matins à 5h, oh là. Vous préférez qu'il chante dans votre assiette, Michel ? Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% de remise immédiate sur les cuisses et filets de poulet Maître Coq Origine France. Oh, j'aime mieux ce que vous me chantez là. Et c'est aussi valable sur toute une sélection de produits de marque. Cocorico ! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La barquette de 980 grammes, blanc ou jaune, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Du 3 au 12 juin, c'est la semaine de la coopération agricole. Portes ouvertes, visites d'entreprises, dégustations. Consultez le programme sur lacoopérationagricole.coop. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Sarah, Marie, Germain, Alain. Il y avait Maître Decaumont qui était avec nous. Lorraine, bien sûr. À bientôt, Julien. À bientôt à toutes. Il y avait Maître Fellonneau. Merci Bernard Sabat. Bonjour Julien. Alors, vous n'oubliez pas que demain, il y a un nouveau téléviseur à gagner. Vous n'oubliez pas également qu'en appelant le 3210 tout au long de la journée, le répondeur marche. Vous laissez votre petit message et nous traitons votre problème demain, quel qu'il soit. Assurance, travail, construction, voiture, tout ce que vous voulez. Nous traitons absolument tous les cas. RTL est la première radio de France. Et le 9h30, 11h sera toujours là pour vous aider, même avec le soleil. What's the sense in sharing this one and only life? Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 11h. L'information sur RTL, c'est de nouveau avec Marie Guerrier. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. La météo va encore faire des siennes aujourd'hui. Avec la chaleur soudaine, ça va tourner à l'orage cet après-midi et jusqu'en début de nuit. Les orages les plus violents sont attendus sur les Hauts-de-France et le Grand Est. Le cumul de pluie pourrait être important avec même peut-être de la grêle. 8 départements sont placés en vigilance orange à partir de 14h. Le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise, l'Aisne, la Somme, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Des orages, il y en aura aussi en Île-de-France, jusque dans le centre du pays, en Rhône-Alpes et puis près de la Méditerranée. Sur la façade ouest, la façade atlantique, le temps sera plus calme. Le nombre de départements en vigilance crue vient d'être amené à 4 au lieu de 7 par Météo France. Cela concerne encore la Seine-Maritime, l'Eure, l'Essonne et l'Indre-et-Loire. La rivière Essonne doit atteindre son pic dans la journée. Partout ailleurs, c'est la décrue, mais lente, on est loin encore du retour à la normale. Y aura-t-il un procès pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion ? En tout cas, les juges d'instruction font savoir qu'ils ont terminé leurs investigations sur un système présumé de fausses factures pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. L'ancien chef de l'État est mis en examen dans cette affaire pour financement illégal de campagne électorale. 13 autres personnes, dont des cadres de l'UMP, sont mises en examen dans cette enquête ouverte aussi pour faux, abus de confiance et escroquerie. Les juges ont donc terminé leur enquête. Il y a maintenant un délai durant lequel les parties peuvent faire de nouvelles demandes d'actes avant les réquisitions du parquet et la décision finale des juges d'instruction sur un éventuel procès. L'actualité du jour, c'est aussi cette question. La grève à la SNCF qui dure depuis 7 jours, va-t-elle s'arrêter demain ? Le président de la compagnie ferroviaire, Guillaume Pépi, estime que les cheminots n'ont plus de raison de faire grève après le projet d'accord trouvé cette nuit au terme de 19 heures de négociations. Un accord sur l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise. La CGT et Sudrail, qui mènent aussi la fronde contre la loi travail, ont jusqu'au 14 juin pour signer ce texte de compromis à la SNCF. Le 14 juin, c'est le jour où est prévue à Paris une manifestation nationale contre la loi travail. Ce matin, des centaines de militants cégétistes bloquent les entrées de la ville de Rouen et de la zone industrielle du Havre pour s'opposer à la loi travail. La question du jour d'RTL Midi est la suivante. Pensez-vous que l'euro, qui commence vendredi, sera perturbé par les mouvements sociaux ? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et vous pourrez en discuter au 3210 avec Christelle Robière et Vincent Parisot dans RTL Midi. La France accueille l'Europe du foot. L'équipe de Croatie est donc attendue à Deauville. En fin de matinée, elle résidera à l'hôtel du Golf et l'entraînement sera ouvert au public à 18h30 au stade du commandant Hébert, nous indique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. Les courses à Saint-Cloud, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 8, le 4, le 2, le 3, le 14, le 15, l'As et le 12. La dernière minute de Bernard, c'est le 15, Slick Fontaine. Et attention, le 9 est non partant. Il est 11h03, vous êtes sur RTL. Et à la bonne heure commence, bien sûr, avec Stéphane Bern. Merci beaucoup, Marie Guerrier. On vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous nous plongeons dans À la bonne heure avec nos invités, Géraldine Pellas et Thierry Lhermitte, qui sont nos invités. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour, je vais vous présenter un peu plus longuement dans un instant, parce que j'ai juste donné vos noms, mais je vous présente mes petits camarades. Quand on n'est pas très net, le mieux est de se tourner vers la religion. C'est ce qu'a fait Cyprien Sini quand il s'est aperçu que le pape François recevait de jolies blogueuses, spécialistes de mode et de beauté, n'est-ce pas ? Oui, bonjour à tous. Absolument, le pape est fan des youtubeuses mode, celles qui donnent des conseils pour le maquillage, les fringues, les vêtements. Mais il change pas étonnant. Tellement. Bah oui, pourtant lui, il est pas sûr qu'elle est vêtements. Blanche. Bah ouais, oui. Mais voilà, il adore, il regarde. Toute l'actualité de ce 7 juin. Eh bien, vous rêvez de la découvrir. Eh bien, attendez les Maillots Express de Régis Maillot. Mais oui, on a été gâtés ce 7 juin. Ouais. Je pensais pas qu'on pouvait avoir autant d'événements impromptus, nouveaux, qui arrivent comme ça. Et tout écrit ce matin. Je m'en délecte. Hein. La une du Parisien est formidable. Merci Régis, à tout de suite. Oui. Il est tout guilleret, ce qui n'est pas son habitude. C'est vrai. C'est pas son habitude non plus, c'est d'être porteur de bonnes nouvelles. Pourtant, il en a une ce matin qui nous révélera dans son zapping. Éric Dussard. Bonjour à tous. Oui, je suis soulagé, Stéphane. J'ai craint pendant quelques semaines que Secret Story ne revienne jamais.